طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. نحن ما زلنا في مقدمة الشيخ سعيد عليه رحمة الله، التي تعتبر مقدمة نافعة عظيمة. Donc on est toujours dans l'introduction qu'a fait notre noble cheikh Saïd ibn Da'as, qu'Allah lui fasse miséricorde, lorsqu'il enseigna ce livre au centre d'études Bidammaj. يعني للليفر دو الشيخ العثيمين قواعد المثلى. فبعد أن ذكر فضيلة هذا العلم وشرفه، وبعد أن ذكر وجوبه على الناس، وذكر التقسيم في فرضيته، ذكر أنه ينبغي لطالب العلم أن لا يتكلم إلا بعلم، لا يتكلم إلا بعلم، ولا يتعلم من الكتب فحسب، بل يأخذ العلم عن أهله. Donc après avoir évoqué l'importance de cette science, c'est-à-dire la science de la aqida, la croyance et du dogme, il a évoqué son caractère obligatoire. Alors il a parlé tantôt de l'obligation d'apprendre cette science pour la totalité des musulmans. Ensuite il a évoqué l'obligation d'apprendre cette science pour une partie d'entre elles, qui ne sont autres que les étudiants en sciences. Les étudiants en sciences. Ensuite, il a évoqué certains conseils sur le sujet, et il enjoint les étudiants en sciences à bien comprendre la science qu'il leur est accordée et à s'efforcer de ne jamais parler dans ce domaine sans science. Donc il a évoqué énormément de paroles et certains dalils sur le sujet, jusqu'à ce qu'on ait arrivé à la parole que voici. Naam. قال عليه رحمة الله فالواجب على طالب العلم أن يكون في غاية التحري وفي غاية التثبت الشرعي فيما يقوله وفيما يقرره وفيما يعلمه من مسائل الاعتقاد ومن مسائل التوحيد والدين، فإن هذا توقير فإن هذا توقير رب العالمين من جانب، ومن جانب آخر قد يتعرض له الإنسان لحمل أوزار من يضل ومن يفسد من الناس في عقائدهم وفي دينهم بسبب الباطل. Donc le cheikh il dit, il poursuit en disant il est obligatoire à l'étudiant en sciences de veiller à suivre la vérité dans son apprentissage et dans ce qu'il prêche. Il se doit d'être vigilant et de s'efforcer de suivre toujours le chemin de la vérité. Et il se doit, lorsqu'il prêche, lorsqu'il enseigne, d'être sur une certitude. Il ne doit pas enseigner ou prêcher avec le moindre doute sur ce qu'il prêche ou ce à quoi il appelle. Naam. Et ce, que ce soit dans les points relatifs au tawhid ou à la religion d'une manière globale. Car lorsqu'il parle et lorsqu'il enseigne la religion, c'est comme si il parlait avec l'aval du Seigneur de l'univers. C'est comme s'il parlait avec l'aval, c'est-à-dire l'accord du Seigneur de l'univers. Donc il se doit d'être vigilant sur ce qu'il dit et de prendre garde que chaque personne qui s'égarera de par sa cause ou qui pervertira sa croyance ou sa religion de par sa cause, alors il emportera le fardeau yawm al-qiyama. Naam. ثم قال وكما أن هذا الأمر نوع من الافتئات على شريعة على الشريعة لأن من نسب إلى الشريعة وإلى الدين وإلى السلف ما ليس من مذهبهم وما ليس من دينهم ما قرأنا هذا ما قرأنا يعني كأني طيب على كل إذا قرأنا فيعتبر مراجعة طيب كما أن هذا الأمر نوع من الافتئات على الشريعة لأن من نسب إلى الشريعة وإلى دين الله وإلى السلف ما ليس من مذهبهم وما ليس من دينهم فقد افتأت عليهم et aussi il faut comprendre que le fait de parler sans science dans la religion c'est comme le fait de d'ajouter des mensonges à la religion. C'est comme si l'on mentait sur la religion d'Allah Azza wa Jal. Et qu'on y ajoutait ce qu'il n'y est pas. Quand on dit, c'est comme si on mentait au sujet de la religion, que ce soit au sujet de la religion ou au sujet des pieux prédécesseurs ou de la voix, Mada, de la voix, au sujet de Mada, de la voix des pieux prédécesseurs. C'est comme si on la démentait ou si on mentait sur celle-ci. Naam. طيب قال وقد نسب إليهم ما ليس من دينهم وهذا هو سبيل الابتداع وسبيل الانحراف والضلال على العقيدة الصحيحة السلفية وعن منهج النبي صلى الله عليه وسلم وبيان شدة الانحراف كنا قرأنا هذه ها قرأنا أيوة طيب خير على كل حال إذن وصلنا إلى قوله فانتبه يا طالب العلم أن تقول ما ليس لك به علم فإن الله سبحانه وتعالى يقول ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا alors fais attention donc le cheikh il dit fais attention ô toi l'étudiant en science de dire au sujet d'Allah ce que tu ne sais pas ou de parler sans science. Car Allah subhanahu wa ta'ala dit, selon une traduction approximative, ne suis pas ou ne parle pas sans avoir la moindre science. Car certes, l'ouïe ainsi que la vue et les cœurs seront interrogés. Wa yaqulu Allahu jalla jalalu. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit encore, إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون Certes, mon Seigneur a interdit la turpitude apparente comme cachée, le péché ainsi que la transgression sans droit. Et il a interdit qu'on associe à Allah Azza wa Jal ce dont on n'a aucune preuve. Et qu'on dise au sujet d'Allah ce que l'on ne sait pas. قال الشيخ سعيد donc après avoir cité ce verset le cheikh il dit حتى جعل الإمام ابن القيم عليه رحمة الله القول على الله سبحانه وتعالى أشد هذه المحرمات بما فيها الشرك بالله عز وجل jusqu'à ce que l'imam ibn al-Qayyim lorsque il a expliqué ce verset il a extirpé de ce verset que le fait de parler sur Allah Azza wa Jal sans science, c'est pire que tous les péchés évoqués dans ce verset. Et dans ce verset, il évoque al-fawahish, les turpitudes en tout genre, ainsi que les péchés ou al-bari, la transgression dans toute chose, mais il évoque aussi le shirk. Donc c'est comme si l'imam Ibn al-Qayyim te dit que le fait de parler sur Allah sans science, c'est pire que le shirk billah. C'est pire que l'association. C'est pire que l'association. قال الشيخ سعيد وقد يستشكل هذا مستشكل كيف يكون هذا أعظم من الشرك ومن المعلوم أن الشرك بالله أعظم الذنوب. Et certains d'entre nous ils peuvent s'étonner de voir qu'il y a un péché au-dessus du shirk. Hein? Que l'imam al-Qayyim considère ce péché-là plus grand que le shirk. فالجواب donc la réponse à cela فالجواب على هذا أن القول على الله بغير علم يشمل الشرك بالله سبحانه وتعالى وغيره فالمشرك قائل على الله عز وجل ما ليس له به علم. Et la réponse à cela, c'est que la parole sur Allah sans science, le fait de dire sur Allah une chose sans science, ça sous-entend le shirk, ça sous-entend de l'association. Donc le mushrik, celui qui associe à Allah Azza wa Jal, à la base, si on regarde bien, il dit une parole au sujet d'Allah sans science. Tamam. Au sujet de ses divinités sans science. Tamam. قال فالمشرك قائل على الله عز وجل ما ليس له به علم فالقائل على الله بغير علم جمع أعظم الذنب وهو الشرك بالله عز وجل وزاد عليه أنه قال على الله ما لم يعلم. Donc celui qui dit sur Allah عز وجل ou qui parle sur Allah qui parle sur Allah sans la moindre connaissance, il a regroupé le pire des péchés qui est le shirk. Et il a rajouté sur cela, le fait de parler sur Allah sans science. Tamam. وَهَذَا مَقَامٌ عَظِيمٌ يَجِدُهُ لِمَنْ تَهَذَّبَ بِطَلَبِ الْعِلْمِ وَنَفَعَهُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بِمَا عَلِمَ وَانْتَفَعَ بِمَا حَفِظَ مِنَ الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ أو بما علم من مسائل التوحيد والعقيدة. Et donc cette situation là, le fait de parler sur Allah sans science, c'est une situation dont prennent garde tout étudiant en science dont Allah subhanahu wa ta'ala lui a accordé le fruit de la science qu'il possède. Le fruit de la science qu'il possède. Et parmi la science qu'il possède, le Coran ainsi que la Sunna. Naam. Enfin, le réel, celui qui est vraiment ancré dans Talab al-Ilm avec sincérité et véracité, lui, il se préserve de parler au sujet d'Allah, au sujet de la religion d'Allah, sans la moindre science. D'ailleurs, on profite pour remercier les frères qui ont donné des khutab à la petite mosquée du foyer. فجزاهم الله خيرا قام بهذا الأمر بأتم. Ils ont appliqué ce genre de conseils de la meilleure des manières. Ils ont fait des khutab sur ceux qu'ils maîtrisaient. Et ils ont fait des khutab sur le meilleur des sujets, le tawhid, l'unicité d'Allah, le tamassouk bis sunnah, wa l'ibti'ad عن الشركيات والبدع والخرافات وما إلى ذلك. فجدير بنا أن نشكرهم، فإنهم قد قاموا بجهد عظيم، ونسأل الله أن يدخر هذا في ميزان حسناتهم يوم لا ظل إلا ظله ويوم لا ينفع مال ولا بنون. يوزمون الله عز وجل qu'il les récompense par les plus grandes des récompenses le jour où nul ne sera utile, nul enfant ne sera utile pour ses parents ou autres, c'est-à-dire le jour de la résurrection. فهنيان لطالب العلم. C'est un grand bienfait, un grand mérite pour l'étudiant en sciences qu'il s'arrête là où ses connaissances s'arrêtent. قف حيث وقف القوم. Arrête-toi là où le peuple s'est arrêté. Ne va pas plus loin dans une interprétation sur laquelle tu n'as aucune science. نعم. قال وهذا مقام عظيم ومقام خطير يوجع في قلب صاحبه الخوف والورع والخشية ومراقبة الله عز وجل ومراقبة الله سبحانه وتعالى في سائر الأمور في سائر الأمور. Et donc cette situation là, le fait de prêcher et le fait d'enseigner ou de transmettre ce que l'on a appris, c'est une situation qui doit emmener son auteur à craindre Allah Azza wa Jal, à faire preuve de crainte et de peur. Et c'est une situation qui emmène son auteur à toujours garder en esprit la présence d'Allah Azza wa Jal. Naam. ولا سيما فيما يوقع فيه عن رب العالمين سبحانه وتعالى ومن خرج عن هذا فذاك إما لجهل أو لقلة خوف من الله سبحانه وتعالى أو لضعف ورع أو لضعف ورع أو لمعنى آخر من المعاني الذي ذكرها الإمام الشوكاني وغيره من أهل العلم مما تدفع الناس إلى الباطل وإلى تمادي في غير الحق والمكابرة وعدم أخذ الحق وأخذ النص والقبول وقبول الحق بدليله. طيب. Ensuite il te dit donc que normalement cette situation, le fait de transmettre ce que tu connais de la science, ça doit t'emmener à craindre Allah Azza wa Jal. Si ce n'est pas le cas, alors c'est soit par ignorance, ou soit par un manque de pudeur et de crainte d'Allah, ou soit par autre chose parmi les différents sens qu'a évoqué l'imam Shawkani et autres parmi les gens de science, lorsqu'ils parlent de ceux qui parlent sur Allah Azza wa Jal sans science. Ils évoquent énormément de causes. Donc celui qui veut revenir à ces causes-là, qu'il retourne vers les kutub, les livres de l'imam Shawkani, comme Adab al-Talab, wa ghayrihi. طيب. ثم قال فانتبه يا طالب العلم فإن المقام مقام خطير والعجب أيها الإخوة أن كثيرا من طلاب العلم وكثيرا ممن يدخل في مجال الطلب همه أو مقصده أن يلقى وأن يقول وأن يتكلم وأن يقرر وأن يكتب. هذا إذا كان مقصدا أو مقصودا بمفرده فهذا والله يخشى على صاحبه أن يهلك من حيث أنه ظن أنه يتعب يعني في سبيل الله. طيب. Ensuite le cheikh il te dit une parole très importante. Il te dit et parmi les choses étonnantes dans le milieu de la science et des étudiants, que l'on constate que bon nombre d'entre eux, lorsqu'ils viennent apprendre la science, ils n'ont pour but premier que de pouvoir dire ou écrire des ouvrages ou faire des fatwas ou authentifier des livres ou autre. C'est leur premier but pour bon nombre de tulab al-ilm. Or, comme il dit, si cela est le cas, c'est-à-dire que le talib al-ilm, il vient, il recherche la science juste pour que il puisse parler, qu'il puisse écrire des livres, juste pour cela, alors le cheikh, il te dit que celui-là, on craint pour lui un égarement qui le mènera à sa perte. C'est pour les étudiants présomptueux. Voilà, les étudiants qui n'ont qu'un seul but, c'est de... En fait, ils recherchent la vanité, se montrer. Dire, voilà, sous forme d'ostentation ou par amour de la notoriété. Il veut écrire pour qu'on dise, voilà, Foulan, il a écrit. Il veut dire pour qu'on dise, Foulan, il a dit. Il veut, authentifier pour qu'on dise, Foulan, il a authentifié. Non. Fa, tayyib. Yahlik, min haythu annahu dhanna annahu yat'ab. Wa yukhfad, min haythu annahu dhanna annahu yurfa'. Et le voilà, qui à cause de cette mauvaise intention, il se voit rabaissé alors qu'il pense que il est élevé ou il s'élève. Hein? Il se voit rabaissé par Allah Azza wa Jal alors qu'il pense qu'il s'élève à cause de son intention, sa mauvaise intention. Et le voilà humilié alors qu'il pense qu'il est honoré. وإلا فطالب العلم الموفق الذي يتعلم ويطلب العلم ويبلغ عن الله سبحانه وتعالى وعن رسوله ينبغي أن يكون أكبر همه أن يصيب الحق. Car en vérité, celui le vrai talib al-ilm, le vrai, celui qui cherche vraiment la science pour Allah Azza wa Jal, dans le but d'obtenir l'agrément d'Allah Azza wa Jal, lui son premier but quand il recherche la science, c'est d'aller vers la vérité. Lui, tout ce qu'il veut, c'est apprendre quelle est la vérité et connaître la vérité. أن يصيب الحق الذي أراده الله وأن يكون هذا لغرض أو لغرض مرضاة الله سبحانه وتعالى والوصول إلى جنته والجهاد في سبيله وإعلاء كلمته لا من أجل أمر أو آخر. Donc, lui recherche cela pour obtenir la vérité, et de surcroît, pour avoir l'agrément d'Allah Azza wa Jal, pour bénéficier de l'agrément d'Allah Azza wa Jal. Ça, c'est la bonne intention. Yani, tu viens dans talab al-ilm pour t'enlever ton ignorance et pour l'enlever aux autres. Ça, c'est la bonne intention dans talab al-ilm. Mais ton intention première, si c'est que de vouloir écrire pour qu'on dise tu as écrit, vouloir enseigner pour qu'on dise que tu as enseigné, ou vouloir dire pour qu'on dise que tu as dit, هذا غلط فاحش. قال وكثير منهم يجهل أن مقام التبليغ والتوقيع عن رب العالمين سبحانه وتعالى مقام خطير. كثير منهم يجهل هذا الأمر. فلهذا تجد من لم يتفطن لهذا الأمر الخطير لا يبالي في أي واد من الباطنين يقع. Et bon nombre de tulab al-ilm, bon nombre d'étudiants en sciences, ils ne se rendent pas compte de l'importance de la situation où ils se trouvent lorsqu'ils appellent à la religion d'Allah Azza wa Jal. Car comme on a dit, le fait d'appeler à la religion d'Allah ou le fait de parler sur Allah Azza wa Jal, c'est comme si tu parlais avec l'aval du Seigneur des mondes. Donc c'est une situation, c'est une position qui est très dangereuse. Naam. Et donc il dit, et bon nombre d'entre eux, ils ne se rendent pas compte, ou ils ignorent l'importance et la gravité de la position dans laquelle ils se trouvent. Jusqu'à ce qu'ils ne font pas attention de savoir dans quel côté ils se trouvent. فتاره حين فتراه حينا في قضية وحينا آخر في باطن آخر وهكذا ينتقل من قضية إلى أخرى ومن باطن إلى باطن حتى يصير إلى حيث علم الله سبحانه وتعالى. Donc tu le vois dans, il part de d'une masala à une autre, il part d'un point, il rentre dans un autre, il se mélange un peu ici, il va là-bas. Yani tu vois que maintenant son affaire n'est pas maîtrisée. Et lorsqu'il enseigne, tu sens que il n'est pas sur une science concrète. وهذا كله إخواني في الله ناتج عن عدم الخوف من الله عز وجل والورع والصدق مع الله الذي لا يليق بطالب علم أن يتخلف عن ركب أهله ثم إذا رزقك الله يا طالب العلم معرفة صحيحة. Et là, c'est un autre nasiha. Et celui-là, il est, je crois, c'est le plus important des nasaih, des conseils qu'il donne avant qu'on rentre dans le livre. Il dit, ثُمَّ إِذَا رَزَقَكَ اللَّهِ يَا طَالِبِ الْعِلْمِ مَعْرِفَةً صَحِيحَةً بِالْعَقِيدَةِ الصَّحِيحَةِ وَالتُوحِيدِ وَالْعِلْمِ وَبِسَائِرِ الْفُنُونِ الشَّرْعِيَةِ وَأَعَانَكَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَوَفَّقَكَ إِلَى أَنْ تُبَلِّغْ وَإِلَى أَنْ تَقُومْ بِمِيرَاثِ النُّبُوَّةِ الذي هو شرف عظيم. Ensuite, sache, ô talib al-ilm, sache, ô toi le chercheur en sciences, l'étudiant ou l'étudiante, que si Allah subhanahu wa ta'ala t'a accordé une bonne compréhension en ce qui concerne la croyance authentique, en ce qui concerne le tawhid, en ce qui concerne toutes les matières religieuses, s'il t'a accordé une bonne compréhension et il t'a aidé à arriver à cela, puis il t'a aidé à transmettre la religion et à porter l'héritage des prophètes alayhi salatu wassalam, qui n'est autre qu'un la science nafi'. Il dit man waffaqahu Allah ilayhi فَقَدْ وَفَّقَهُ لِخَيْرٍ عَظِيمٍ. Celui dont le cas est ainsi, alors certes Allah subhanahu wa ta'ala lui a accordé une grande réussite. Et ensuite il dit فَعْلَمْ أَنَّكَ عُرْضَةٌ لِلزَّلَلْ وَعُرْضَةٌ لِلْخَطَى وَمَنْ الَّذِي مَا تُعَقَّبْ وَمَنْ لَهُ الْحُسْنَ فَقَدْ. Il te dit et sache que peu importe la science que tu as atteint, tu es sujet à l'erreur. Tu es sujet à l'erreur. Tu es sujet aux fautes. Tu es sujet aux fautes. Et là, il va venir avec des kalam jamil ya ikhwan. Pour que chacun, il descende son nafs fi manzilatiha. Pour que chacun ramène et juge sa propre âme comme il se doit. Sans jamais l'élever et sans jamais la rabaisser. Mais comme il se doit, le juste milieu. Donc il dit, sache que tu es sujet aux erreurs et aux fautes. Et qui est celui qui n'a jamais commis d'erreur? Qui est celui parmi les créatures dont on a vu de lui que de la perfection? فَأَنْتَ مَهْمَا كُنْتَ ومهما بلغت في العلم فأنت عرضة للزلل فإياك أن تنظر إلى نفسك بعين الكمال وعين الإعظام الذي يصحب معه عدم قبول النصح والرجوع عن الخطأ والإذعان للحق إذا زال القلم أو زال اللسان أو زال القلب والفؤاد. سبحان الله. Kalam Jamil Jiddan. Il dit et prends garde de ne jamais voir ta propre âme, prends garde de ne jamais considérer ta propre âme ou de la voir avec un regard perfectionniste. C'est-à-dire tu vois ton âme comme si elle avait atteint la perfection. Ou tu regardes ton âme comme si elle avait atteint une grandeur énorme. Yani, car cela en général est accompagné du refus de d'accepter la vérité et du refus de revenir lorsque l'on fait une erreur, de revenir vers le droit chemin et de se rabaisser pour la vérité lorsque la plume a glissé ou lorsque la langue a glissé ou lorsque le cœur a glissé. Naam. Fa ya ikhwan kulluna 'urdatun lizalal. كلنا عرضة للذنوب كلنا ما من أحد حتى يعني أعلم الناس فهو عرضة عرضة للزلل يا personne qui est préservé de tomber dans l'erreur. Même le plus savant des savants de notre époque, il n'est pas préservé de tomber dans l'erreur. بل الصحابة يا إخوان الصحابة مع مكانتهم ومع رضى الله لهم قد وقع البعض منهم في بعض الذنوب منهم ارتد ثم تاب ورجع ومنهم من زنى ثم تاب ورجم به ومنهم من شرب الخمر ومنهم ومنهم. Donc certains des compagnons du prophète عليه الصلاة والسلام, parmi eux il y en a qui sont tombés dans de grands péchés alors que ce sont les meilleurs des créatures. Ce sont les meilleurs des hommes. Si eux, ils sont tombés dans ces péchés-là, c'est pas nous, à notre époque, à l'époque des fitanes, à l'époque des troubles, à l'époque du mal, du mal qui est propagé sur toute la terre, ce n'est pas à notre époque qu'on peut prétendre être préservé de tomber dans une erreur ou dans des péchés. Seulement, le farq, c'est quoi la différence entre les compagnons, le tawbah des compagnons et le tawbah des gens de notre époque? Qui connaît? Il y a une différence, il y a beaucoup de différences. La rapidité avec laquelle ils ont fait. Aïe, n'aim, ahsant, lillahi dharruk, ya Othman. C'est que les sahaba, dès qu'ils entendaient, ils savaient qu'ils étaient dans une erreur, ils avaient le yaqin qu'ils étaient dans une erreur, yubadiruna, bitouba. Ils revenaient le plus rapidement possible de cette erreur et ils demandaient pardon à Allah Azza wa Jal. Et à toute personne qui nécessitait que l'on demande pardon. Tandis que nous, à notre époque, يا فلان توب إلى الله إن شاء الله غدا إن شاء الله بعد غد خليني شهر أهداء وأبشر تفضل ها tandis qu'à notre époque si tu dis à quelqu'un توب إلى الله pour un péché que lui-même il reconnaît il va dire non pas tout de suite demain après demain laisse-moi un mois ou autre tandis que les compagnons c'était direct ça c'est la première différence la deuxième différence c'est que les compagnons إذا أذنبوا ذنبا لم ينسوه وإذا فعلوا خيرا ينسوه. Les compagnons, s'ils font un péché, ils s'efforcent, bon gré ou mal gré, ils s'efforcent de ne jamais l'oublier. Même après 10 ans, même après 15 ans, il va se rappeler, ah là, il a dit une mauvaise parole, tel jour. Pourquoi? Parce qu'il essaye de s'en rappeler. Parce que le fait que tu te rappelles de tes péchés, ça te rabaisse. Ça te fait comprendre que anta ida waqa'ta fi hadha fa anta bashar ma anta malak wa ma anta yani arfa' min hadha al maqam. Ça va toujours te rappeler que tu n'es qu'un être humain. Tu n'es pas plus haut que ce degré d'humanité. Tamam? Et lorsqu'ils font une bonne action, mada, ils s'efforcent bon gré ou mal gré de l'oublier. Ils font tout leur possible pour oublier leurs bonnes actions. Tandis que nous, à notre époque, on tombe dans un péché sur lequel on s'est repenti, on fait tout pour l'oublier. On fait tout pour l'oublier le plus rapidement possible. Et lorsqu'on fait une bonne action, alors là, on s'efforce de la noter, de ne pas l'oublier. Non. Donc le shir, ensuite, il continue et il dit... فإنك مهما بلغت من العلم فأنت عرضة للخطأ وللزلل وكل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. Et là il est venu avec un hadith où le prophète عليه الصلاة والسلام dit que tout enfant d'Adam est proie et sujet aux erreurs et le meilleur des fauteurs sont ceux qui se repentent. sont ceux qui se repentent, ikhwan. ثم قال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بل الخطأ يا عباد الله وهذه فائدة جليلة بل الخطأ يا عباد الله والزلل أمر قضاه الله سبحانه وتعالى وقدره لحكمة بالغة. Sachez que les khata, les erreurs ou les péchés ou les... c'est une chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décrété. Et ça, c'est une très très grande faïda qu'il évoque. C'est-à-dire que les péchés sont une chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala, et les erreurs sont une chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décrété pour une sagesse énorme. Ala wa huwa hatta ya'budahu an-nas wa yatafarraduhu ilayhi fa inna min al-ibadat allati shara'ahu Allah subhanahu wa ta'ala wa huwa min a'zam al-ibadat at-tawba wal-inaba wal-istighfar wal-ruju' ila Allah 'azza wa jalla min al-khata' wadh-dhunub. Et fait partie de cette sagesse, hein, le fait que, de par ces péchés-là, ils vont adorer Allah Azza wa Jal. D'une adoration qui est énorme. Quelle est cette adoration? Le tawbah, le repentir. S'il n'y avait pas de péché, il n'y a pas de repentir. فَاللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى قَدَّرَ أَنْ يَكُونَ هُنَاكَ زَلَلْ وَخَطَى وَذُنُوبْ لِأَجْلِ أَنْ يَحْسُلَ التعبد بالتوبة وبالإنابة وبالاستغفار وبالرجوع إليه. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a décrété certains péchés, certaines erreurs, pour que on puisse l'adorer par le repentir, par le fait de revenir vers lui, repentant et délaissant, en délaissant les péchés. فلهذا قال الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي لو أنكم ما تذنبون لذهب الله بكم وأتى بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. Et c'est pourquoi Allah سبحانه وتعالى a dit dans le hadith al-Qudsi, si vous ne faisiez pas de péché, alors Allah vous aurait fait disparaître. Si vous ne faisiez pas de péché, alors Allah vous aurait fait disparaître pour faire venir un peuple qui, eux, font des péchés, mais demandent pardon à Allah Azza wa Jal, et il leur pardonne. Il faut savoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il ne se lasse pas de pardonner à son serviteur. Il fait un péché aujourd'hui, il s'en repent sincèrement, il le recommence le lendemain, il s'en repent sincèrement, Allah il le pardonne. Allah il se lasse pas. Fahu al-ghaffar. Sirat al-mubalagha. Al-ghaffar. Celui qui pardonne énormément. Non. Idhan, fal-khata wa-zalal wa-al-mukhalafa li-sawab, hadihi thajiyatu al-bashar. Mahma balagha al-insan ilman wa-dinan, falan yakhlu min khata ومن زلل. إذن فيا عبد الله لا يكون الحرص على بقاء المكانة والمنزلة عقبة ككودا أو كودا أمامك. إذا زللت أو أخطأت مهما بلغت من العلم فارجع. Et donc, il te dit, toi, l'étudiant en sciences, ne sois pas vigilant à avoir une situation auprès des gens, à avoir une considération auprès des gens. Si jamais tu te trompes, n'aie pas honte de dire tu as commis une erreur dans telle ou telle chose. Reviens. Et ça, wallahi, que lorsque tu étudies des livres dans la aqida et tu commences par ce genre de conseils, ça t'aide énormément dans toutes les matières. Le fait de savoir ça, d'avoir ce genre de conseil sur l'importance de la science, sur le fait de pas parler sans science, sur le fait de savoir que c'est obligatoire, et sur le fait aussi de savoir que tu, peu importe la science que tu vas atteindre, t'es proie aux erreurs, t'es proie au péché. ça doit t'éduquer. Et ça doit aussi nous éduquer à éviter de croire dans certains savants qu'ils sont préservés d'erreurs. Non. Al-ismah man asamahu Allah. La préservation, c'est, elle est seulement pour celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala a préservé. Wala ismata ba'da an-nabi sallallahu alayhi wa sallam wa ba'da al-anbiya. Et il n'y a pas de personne préservée après les prophètes. Enfin, tu peux trouver un alim qui se trompe dans une mas'ala ou deux ou autre. Naam. Mais lorsque tu sais ces bases-là, ça ne t'étonne pas. Tu peux trouver un alim qui tombe dans un péché. Ça arrive. Si des compagnons sont venus voir le prophète, alayhi salatu wasalam, ou un compagnon est venu voir le prophète, il lui a dit, « Oh, messager d'Allah, j'ai embrassé une femme étrangère. » Kabira. Wa as-sahaba kulluhum udul wa kulluhum ulama. Les sahaba, juste pour le fait qu'ils ont vu le prophète alayhi salatu wasalam et qu'ils l'ont fréquenté, ils sont tous considérés comme étant des gens pieux et comme étant des gens de science, des savants. Malgré tout, on trouve chez eux des gens qui sont tombés dans ce genre d'erreur. Tamam. Donc peu importe la science qu'on a, il faut pas se croire à l'abri de tomber dans des erreurs ou croire dans nos savants qu'ils sont à l'abri de tomber dans des erreurs. Non. Farji' wa tub wa sahih ma hasala min su'i fahmin wa hadha wallah sharaf 'azim li sahibihi wa laysa fihi dhalla wa laysa fihi khafd manzila. Donc il te dit, si tu tombes dans une erreur, reviens, repens-toi et corrige ton erreur qui est survenue soit par une mauvaise compréhension ou soit par autre cause que cela. Et en vérité, le fait de revenir vers le haq, le fait de revenir, demander pardon, revenir vers le haq, c'est tout honorable pour son auteur. C'est un degré honorable pour son auteur. Et il n'y a aucun rabaissement là-dedans. Et il n'y a aucun rabaissement là-dedans. Wa fi'lan ya ikhwan. هل سمعتم بعبادة تخفض صاحبها؟ Est-ce que vous avez déjà entendu une adoration qui est faite pour Allah et qui rabaisse son auteur? لا, ما يمكن. يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات. Allah subhanahu wa ta'ala, il ne cesse d'élever les croyants par leurs adorations. Donc le fait de faire le tawbah, c'est une élévation. Et certaines personnes, ils se sont rabaissés. Mathalan, tu as un problème avec un tel ou un tel parmi les gens. Tu lui as mal parlé ou là, ya hasal, ma hasal. Ya akhi, tawb ila Allah, wa badir bil tawbah, wa qul lahu a'tadhir. Excuse-toi. Excuse-toi si tu lui as mal parlé, excuse-toi. Ma fi, il n'y a pas de rabaissement là-dedans. Il n'y a pas de rabaissement, parce que ça, en vérité, c'est une élévation d'Allah Azza wa Jal. Allah, il t'élève. Pourquoi? Parce que tu as rabaissé ton âme. Pour qui? Pour Allah Azza wa Jal. Man tawaba'a lillah, rafa'ahu Allah. Celui qui s'est humilié pour Allah, Allah, il l'élève. Allah, il l'élève, ya ikhwan. Tayyib. Ou bien on termine juste sur ce athar. Il évoque ensuite, Mada, un récit d'un des pieux prédécesseurs. قال ولهذا العنبري وهو كان شيخ الإسلام في زمنه قال قولا أنكره عليه غلامه وهو عبد الرحمن بن مهدي تلميذه كان أو كانوا في جنازة فسأله عن مسألة فغلط بها. Donc ce cheikh Al-Anbari, qui était considéré comme le cheikh al-islam de son époque, un jour il était avec des élèves à lui à une janaza. À une janaza dans une prière où il assistait à une prière mortuaire. Naam. Et un de ses élèves lui a posé une question. Et lui, quand il a répondu à la question, il s'est trompé. C'est-à-dire, c'est le cheikh, on lui pose une question, par un de ses élèves, et il s'est trompé. Ça arrive, Yahouan. Même le cheikh, il peut oublier. Il peut oublier une masala qu'il a enseignée, qu'il a donnée. Ça arrive. Fa'inahu bachar. Fa ghalat. Donc il a donné une mauvaise réponse. L'élève, il lui dit, aslahat Allah. As-sawab kada wa kada. Et l'élève, c'est Abdurrahman ibn Mahdi, un des grands imams de son époque. Il lui dit, il fait dua pour lui, il dit qu'Allah t'améliore. Mais la réponse est plutôt comme ceci ou comme cela. Tamam. Fa ham an-nas bi hadha ar-rajul, Abdurrahman ibn Mahdi. Et voilà que les gens, quand ils ont entendu la réponse de l'élève, ils ont pensé à lui faire du mal. Les autres élèves qui ont entendu la parole de Abdurrahman ibn Mahdi pour le cheikh, aslahakallah, la réponse est ceci et cela. Les autres élèves, ils ont voulu lui faire du mal à cause de sa manière de parler et pour avoir contredit l'avis du cheikh. Donc le cheikh, il dit, فَقَلْ دَعُوهُ ثُمَّ أَطْرَقَ سَاعَةً. Le cheikh, il a dit, laissez-le. Ensuite, il s'est tu pour réfléchir. Il a commencé à méditer sur les paroles. ثُمَّ قَالَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَقَالَ إِذَنْ أَرْجِعْ وَأَنَا صَاغِرْ أَرْجِعْ وَأَنَا صَاغِرْ أَرْجِعْ وَأَنَا صَاغِرْ لِأَنْ أَكُونَ ذَنَبًا فِي الْحَقِّ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَكُونَ رَأْسًا فِي الْبَاطِلِ. Ça, c'est une parole jamil, jiddan. Donc, après avoir réfléchi, le cheikh, il dit, je reviens à la vérité, tout en me rabaissant. Je reviens à la vérité, tout en me rabaissant. Je reviens à la vérité, tout en me rabaissant. Le fait que je sois considéré comme une queue, comme la queue d'un animal, mais dans le chemin de la vérité, mais préférable, plutôt que je sois considéré comme le chef d'un peuple, mais dans l'égarement. C'est dire, Juan, comment les salafs, ils appréciaient le fait de revenir vers la vérité. Et Inch'Allah, pour le prochain cours, on terminera ce chapitre qui est vraiment un chapitre magnifique. Et أظن بعد ذلك سندخل في الكتاب إن شاء الله في درس القادم.